Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes toujours dans le kitab Tawhid wal-Iman, dans ce kitab de l'Istidlal à la case de l'Atfal. Nous rentrons à Ders al-Tasia, 9e leçon. Qala fi sual al-Arba'in, 40e question. Kam aqsam Tawhid illahi azza wa jal? Combien de catégories dans le Tawhid? Et vous le savez, ça c'est une chose qui est connue. Certains ulama l'ont divisé en deux. Ils ont mis Rububiya et Asma Sifat ensemble, et ils ont mis Ibadah à part. C'est un istilah, c'est une terminologie, elle ne se pose pas à ce qui nous est connu. Donc il dit Falastu Aqsam, Waya Tuhid al-Uluhiyya, wa Tuhid al-Rububiyya, wa Tuhid al-Asma Sifat. Donc trois catégories qui sont Tuhid al-Uluhiyya, qui sont Tuhid de l'adoration, unifiera dans l'adoration. Et les diversités, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid de la Seigneurie, et Tawhid al-Asma wa Sifat, qui est le Tawhid dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil qawluhu ta'ala, Rabbu as-samawati wal ard, wa ma baynahuma fa'buduhu, wastabir li'ibadatihi, hal ta'lamu lahu samiyya. Le Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui est entre les deux, adore-le, et perdure son adoration. Et est-ce que tu connais un équivalent? Pas même dans ses noms et attributs. Sourate Maryam, verset 65. Donc ce verset-là regroupe les trois formes. Seigneur des cieux et de la terre, ça c'est Rububiya. Fa'buduhu wastabil ibadati, adore-le et sois constant son adoration, ça c'est Uluhiya. Hel ta'lamu lahu samiyya, est-ce que tu connais un égal, un équivalent dans ses noms et attributs? Et ça c'est à ce moment sifat. Et même dans la Fatiha, on retrouve également ces trois formes de tawhid présents. Qala fi sual al-wahid 40. 41e question. Ma huwa tawhid ar-rububiyya? Qu'est-ce que le tawhid de la Seigneurie? Qal huwa ifradu Allah fi af'alihi min al-khalq wal-mulk wa rizq wa tadbir. C'est le fait d'unifier Allah dans ses actes. Parce que Allah fait comme dans sa création, comme dans sa royauté, comme dans la substance qu'il accorde à sa créature ou le contrôle qu'il a de sa création. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Il dit louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres ainsi que la lumière. Ensuite, ceux qui mécroient sont injustes envers leur Seigneur, c'est-à-dire ils attendent autre que lui. Al-An'am, le bestiaux, verset 1. وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc il dit Allah est celui qui vous a créé, puis qui vous a octroyé la substance, qui vous a fait mourir, qui vous donne la vie. Est-ce que parmi vous associés, certains qui agissent de la sorte, c'est-à-dire qui ont la même compétence, que Allah soit purifié de ce qu'il lui associe? C'est-à-dire personne ne peut faire cela. Qui est-ce qui donne la vie? C'est Allah azza wa jal. Quand une mère accouche, elle n'a pas donné la vie. Elle n'a fait que sortir l'enfant de son ventre. La vie était déjà dans son ventre. Lorsque Allah Azza wa Jal a envoyé cet ange qui a soufflé le souffle de vie dans ce fœtus, qui lui a dit, qui lui a écrit son temps de vie et ses actes, d'accord? Ce souffle de vie, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a accordé par le biais de cet ange, non pas la mère. Quand les gens disent, ouais, elle a donné vie à mon fils, elle n'a rien donné du tout. Elle a juste accouché, elle a été une cause pour que l'enfant sorte du ventre. Car il se peut même que la mère, elle meure. Après, ils fassent une opération, ils ouvrent son ventre, ils sortent l'enfant vivant. Ou le fait de tuer également. Tuer qu'une cause, mais la mort, c'est là qu'il est accordé, car des gens peuvent se réunir pour te tuer, ils n'arriveront pas si Allah n'a pas voulu. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que si même toute la communauté s'unit pour te faire du mal, ils sauront te faire du mal parce que Allah t'a déjà prédestiné. Donc le fait de tuer, d'accord, c'est une cause qui enlève la vie, mais cette mort-là en soi, c'est Allah azza wa jalla qui l'a décrété. Donc c'est une chose qui est relative. ثم قال ما هو توحيد الألوهية؟ سؤال الثاني وأربعين. Quatrième question. Qu'est-ce que توحيد الألوهية؟ Dans ce توحيد de la Seigneurie, il a donné d'autres adillas, d'autres preuves. Mais comme on a cité le sujet, on l'a beaucoup répété, un ou deux versets suffisent à comprendre Biznillah Ta'ala. Donc là, il revient au توحيد الألوهية. Quel est-il? C'est le tawhid, le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Que l'adoration soit vouée à lui seul. Et c'est ce tawhid-là sur lequel il y a eu divergence entre les prophètes et messagers et leur peuple. le plus important des trois, car les deux autres, en général, il n'y a pas trop de divergence. Surtout la seigneurie, c'est normalement presque reconnu par tout le monde, sauf que certains, ils ont une défaillance à ce niveau-là. D'accord ? Mais que Allah est le créateur, c'est une chose que, on va dire, la quasi-totalité des gens ont pour croyance. À part certains qui ont voulu philosopher et s'égaler de cela, ils sont une minorité, des marginaux. Donc, unifier Allah, cette adoration ne lui revient qu'à lui seul, exclusivement et sincèrement. وَالدَّلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Que votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers les parents. Al-Isra, le voyage nocturne, verset 23. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers les parents. Al-Nisa des femmes, verset 36. ثم قال في السؤال الثالث وأربعين كان troisième question ما هو توحيد الأسماء والصفات quelle est l'unicité dans les noms et attributs قال في الجواب وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبت أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل c'est le fait d'affirmer ce que Allah s'est affirmé pour lui-même. D'accord ? Ou que son messager a affirmé pour lui-même dans la sunna authentique, comme nom qu'il aurait, ou comme attribut qu'il aurait, sans le chercher le comment, sans chercher à les représenter, à les comparer, ou à les supprimer. C'est-à-dire dire non, je n'y crois pas parce que cela amène à tel et tel résultat. On accepte le nom comme il est venu, selon son apparent, et l'attribut également. D'accord ? L'attribut également. قال والدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Il dit, et c'est à Allah que sont les plus beaux noms, invoquez-le avec, et délaissez ceux qui blasphèment dans ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont accompli, pour ce qu'ils ont commis plutôt. Al-A'raf, verset 180. Donc Allah confirme qu'il a les plus beaux noms et qu'il faut l'invoquer avec, et ces plus beaux noms ne lui reviennent qu'à lui. Certains sont communément employés sur la créature, mais le sens, est-ce qu'il englobe comme attribut ou quoi, de perfection, cela ne revient qu'à Allah seul. Et certains noms ne sont que pour Allah seul, qui n'est pas permis de l'employer pour la créature, dans l'absolu. Autre dalil, قَالُوا تَعَالَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Que Allah a les plus beaux noms, on va dire, مَثَلُ الْأَعْلَى, c'est-à-dire que c'est lui qui a ce qui est le meilleur comme nom et comme attribut. Et qu'il est le puissant et le sage. Al-Nahl, les abeilles, verset 60. Wa qulu ta'ala, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' wal-basir. Qu'il n'y a rien qui est comme lui et qu'il est l'audient et le clairvoyant. Donc Allah dit qu'il n'y a rien qui est comme lui, donc on ne peut comparer nos attributs à nous avec les siens à eux, bien que parfois la nomination elle est commune, ou pareil pour les noms, quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme les siens. Il n'y a rien qui est comme lui, il affirme lui-même, il n'y a rien qui est comme lui. Mais à côté de cela, Allah Azzawajal confirme bien qu'il est audient, et la créature, elle entend, et qu'il est clairvoyant, et que la créature également, elle voit. Mais seulement notre vue, notre ouïe sont loin, loin, loin d'être comparables à celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ash-Shura, la consultation, verset 11. Thumma qala fi sual al-Rabi al-Arba'in, 44e question. Ma hiya kalimat al-Tawhid. Quelle est la parole de l'unicité ? D'accord ? Par quelle phrase on représente cela ? قال لا إله إلا الله. Le fait de dire لا إله إلا الله, qui a pour sens, comme cela va venir, nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et c'est quoi le dalil ? C'est le hadith d'Ibn Abbas. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az au Yémen, dans différentes versions, il dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهُ. Dans une version qui dit la première chose à laquelle tu les appelles, qu'ils unifient Allah. وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dans une version qui disent qu'ils attestent de la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et les deux attestations, d'accord, l'une pour le musulman ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Et le hadith est le muttafaqun alayh. ثم قال في الآخر سؤال الخامس وأربعين ما معنى لا إله إلا الله؟ Que signifie لا إله إلا الله؟ Car c'est un problème que la plupart des musulmans prononcent cette shahada, mais ils en ignorent le sens. Et combien d'entre eux également la prononcent et la contredisent par leurs actes. Sur la langue, elle aurait facile à prononcer, mais à comprendre, elle est difficile et encore plus à appliquer pour beaucoup d'entre eux. Voilà le musta'an. Qala al-ma'na la ma'bouda haqqun illa Allah. Nul adoré, c'est-à-dire divinité, en droit, quand on dit haqqun, c'est-à-dire une divinité, qui c'est en droit, c'est une divinité, il y en a. Une chose que les gens adorent, il y en a. Mais est-ce que ces choses-là méritent l'adoration? Elles ne méritent pas. Donc la seule divinité qui adore, qui mérite l'adoration, afouen, c'est Allah Azawajal. Non. Car c'est lui qui a les attributs divins. Et lui seul mérite cela, car il est notre créateur, le créateur de toutes choses. Et dans ses noms d'attributs, la perfection s'y trouve, qui font qu'on ne doit l'adorer que lui. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc la preuve, c'est le verset dans le sens où Allah dit, et cela car Allah est la vérité et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que le faux, et que Allah est le très élevé et le plus grand, ou plutôt le grand. Al-Hajj, verset 62. Donc là, ce sont quelques masalik qui sont relatives au tawhid qu'on a pris et que, alhamdoulilah, vous connaissez en général. Tamam. Wa bi'adil qad naktafi wa alhamdulillahi rabbil alamin.